Le 25 août, à l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sungun par le général Kim Jong-il, le journal coréen Rodong Sinmun a inséré l'éditorial titré « L'histoire de la révolution de Sungun et les exploits du général Kim Jong-il seront éternels ».